وجازه بالأمهات. Et il lui donna la permission d'enseigner hein, des livres de base dans le domaine du hadith. وله حديثان مسلسلان عنه. Et il a deux hadiths qui sont de lui rapportés directement. Donc il a la chaîne jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم رحل إلى الأحساء. Puis il partit à la ville qui s'appelle l'Ahsa. والبصرة. Et à البصرة. البصرة c'est Bassora qui est en Irak. وطلب العلم في تلك الأقطار. Et il cherche la science et il étudia dans ces régions-là. ومنهم المجموعي في العراق. Et il étudia aussi chez المجموعي en Irak. وابن عبد اللطيف الشافعي في الأحساء. Et le fils d'Abd al-Latif, al-Shafi'i, dans la ville qui est al-Ahsa, qui se trouve en Arabie. وَدَرَسَ عَلَيْهِمَا فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالنَّحْوِ وَغَيْرِهِمَا. Il étudia chez eux le hadith, le fiqh, la grammaire et bien d'autres choses. فَلَمَّا تَمَّ لَهُ الْمَقْصُودِ مِنَ الطَّلَبِ. Et lorsqu'il eut ce qu'il voulut dans ses recherches, et qu'il est arrivé à un certain degré, رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ. Il est retourné dans sa région. وأخذ ينشر التوحيد. Il a commencé à propager et à prêcher le monothéisme et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala في ربوع نجد, dans toutes les contrées de la région de Najd, بالمكاتبات, par des écrits, par des lettres et des messages, والمراسلات, et par d'autres moyens d'information. ثم أخذ يقرأ على أبيه. Puis, il a continué à étudier chez son père. حَتَّى تُوفِيَ عَمْ 1153 هِجْرِيَ. Jusqu'à que son père mourut en l'an 1153 de l'Hégire. وَبَعْدَ وَفَاتِ وَالِدِهِ. Et lorsque son père il est mort, تَارَ ذِكْرَ الشَّيْخ فِي الْأَفَاقِ. Le nom de Cheikh Mohammed al-Wahhab a commencé à se répandre dans beaucoup de contrées islamiques. Beaucoup de gens commencent à entendre parler de lui. فَأَخَذَ يعلم. Et donc il a commencé à enseigner وينشر الدعوة السلفية, et à propager et à prêcher hein, la دعوة السلفية, qui est la دعوة des pieux prédécesseurs, l'islam compris comme les pieux prédécesseurs l'ont bien compris. ويأمر بالمعروف, et il ordonnait le convenable. وينهى عن المنكر, et il désapprouvait, il interdisait le blâmable. ويهاجم المبتدعه اهل القبور. Et il combattait et il attaquait les innovateurs, ceux qui innovaient auprès des tombes. وقد شد ازره بعد توفيق الله وعنايته ورعايته الولاة من آل سعود. Et après l'aide d'Allah et la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, les émirs de آل سعود l'ont beaucoup aidé. وانتشرت الدعوة. Et la da'wa s'est propagée في بلاد نجد, dans la région de Najd, والحجاز, et dans la région de Hijaz. La région de Hijaz est la région qui comprend les deux terres saintes, la Mecque et Médine. وأطراف اليمن, et des contrées du Yémen. وعمان, et le sultanat de Oman. وغيرها, et d'autres contrées. Le cheikh l'islam Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit beaucoup d'ouvrages. Et la plupart, ils tentaient d'expliquer la da'wa comme elle était à l'époque du prophète sallam. Le prêche comme il était à l'époque du prophète sallam. Et il débuta par quoi? Par le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a beaucoup de livres. Al-usul al-thalatha, les trois fondements du monothéisme. Kashf al-shubuhat, masail al-jahiliya. Masail al-jahiliya, on l'a en français, c'est question de paganisme. Kitab al-Tawhid, on l'a aussi en français, le livre de l'unicité. Mukhtasar al-Insaf wa Sharh al-Kabir. Mukhtasar Zad al-Ma'ad al-Kabair. Ça, c'est, il en a beaucoup d'autres. Ce sont des ouvrages que Mohammed al-Wahhab a fait. Et beaucoup ont été compilés dans des volumes, hein, tous les ouvrages de Ibn al-Wahhab. Et il le dit, وَلَهُ فَتَاوَى وَرَسَائِلْ جُمِعَتْ بِسْمِ مَجْمُعَتْ مُؤَلَّفَاتِ الْإِمَامُ مُحَمَدِ al-Wahhab. Donc, ils ont été compilés dans des volumes, un regroupement des ouvrages de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Wafatuhu, sa mort.